T'as du fric ou non? Mec, fais-moi une faveur, pour une fois, fais-moi crédit, mec! Bon, alors t'as du fric ou non? Mec, fais-moi une faveur, pour une fois, fais-moi crédit, mec! C'est libre, quoi! Dis moi, mais va te faire foutre par qui tu es. Casse un mec, j'ai des cheeseburgers super de beau, tout petit cheeseburger. Alors merde, t'as plus d'argent, j'ai un peu de retro. J'en veux pas de l'hypnée, un cheeseburger. Si t'as pas de fric, si t'as pas de cul. Fais chier, merde. Attends, mec, attends, mec, je te suce la bite. Dans une petite danse, si tu veux. Allez, tiens, petit enculé. Mais je te suce la bite, si tu veux, mais fais-moi une danse. Je vais te faire voir. Alors t'as du fric ou non? Mec, fais-moi une faveur, pour une fois fais-moi le crédit, mec. Attends mec, mec, je te suce la bite. Quand t'es petite danse, si tu veux, viens, petit enculé. Mais je te suce la bite, si tu veux, mais je fais le danse. Pour une fois, fais-moi crédit, mec. C'est libre, quoi. faire crédit, moi. Et va te faire foutre par qui tu veux. Bien fait, mec, j'ai des cheeseburgers super de beau double cheeseburgers. Fais-moi une faveur, pour une fois, fais-moi crédit, mec. Tu sais lire, quoi. Te faire crédit, moi. Et va te faire foutre par qui tu veux. Bien fait, mec, j'ai des cheeseburgers super de beau double cheeseburgers.